autant de mièvrerie, nappée de crème pâtissière. Coucou, qu'est-ce que tu fais, mon cœur? La même chose qu'à une demi-heure. Je t'ai appelé à 5 minutes, mon ange, mais ça répondait pas. Alors je m'inquiétais, alors je t'ai rappelé pour la deuxième fois de la journée, en niquant tout mon forfait. Qu'est-ce que tu fais, on adorait? Ouais, je sais, on se voit après. Bon, je t'embrasse fort à mon lever, hein, je t'embrasse. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui raccroche. Bon. 1, 2, 3. C'est pas raccroché. On va le faire tous ensemble alors. 1, 2, 3. Chocolat. J'ai un coup qui se rappelle quand je suis seule. Yeah.

secretária na junta de freguesia. Vira, vira, vira, tira o pé do chão. Enterrava, tira o pé do alcatrão. Vira, vira, vira, e agarra-te a mim. As pontas do vira são dadas assim. Vira, vira, vira, tira o pé do chão. Enterrava, tira o pé do alcatrão. Vira, vira, vira, e agarra-te a mim. As pontas do vira são dadas assim. Cada um na sua iate dá um pezinho de dança. Costureira e alfaiate, viroga, ensina, não se cansa. Até o talhante vira a manchar o presunto. Também o danço roveiro lá na cova do defunto. Vira, vira, vira, tira o pé do chão. Enterrava, tira, pedra ou alcatrão. Vira, vira, vira, e agarra-te a mim. As voltas do vira são dadas assim. Vira, vira, vira, tira o pé do chão. Enterrava, tira, pedra ou alcatrão. Vira, vira, vira, e agarra-te a mim. As voltas do vira são dadas assim. Quem é que aguenta o vira? E virou! Arc-en-ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Danser. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel. Et donc je vous laisse avec trois morceaux différents issus du country. De ce matin d'été, quand tu m'as dit viens faire un tour, les prairies pleines de blé et ton cheval qui court, qui court. Tu m'as tendu la main, j'ai pris mon courage pour monter derrière toi, le vent dans mes cheveux. Ce simple passage a changé ma vie ce jour-là. Mon cœur galope encore quand je pense à toi. Mon cœur galope encore ce jour-là. Cœur galope encore. Les heures passées sur les sentiers, à parler de nos vies, de nos joies. Tu m'as appris à chevaucher, à tenir les rênes comme toi. Le soleil brûlait nos épaules, mais on continuait sans fin. Entre les champs et le sol, on traçait. Le bruit des sabots dans le vent. Parfois je retourne là-bas, sur ces chemins qu'on a tracés. Je ferme les yeux, je te vois, et tout me revient cet été. La prière, les rires, la danse, de cœur à l'unisson, cette parfaite romance qui vit dans cette chanson. Mon cœur galope encore quand je pense à toi. Mon cœur galope encore comme ce jour. Dans ma ferme tranquille, les poules me regardent danser, les bottes dans le foin. Je compte un, deux, trois, et mon père me demande pourquoi je peux faire la musique ainsi. La radio joue doucement, ma mère qui vient de loin. Je ferme les yeux et je sens Tennessee m'appeler. Mon cœur bat cowboy dans mes veines du Tennessee et dans mon éveil. Mon cœur va cowboy sur un rythme américain. Bouffe dans ma tête jusqu'au matin. Tracteur dans les champs, je danse dans la grange. Mes élèves imaginaires suivent mes pas les casses sur un air de violon. Mon cœur bat cow, mon cœur bat dans les veines du Tennessee, dans les veines. Mon cœur bat cow sur un rythme américain, dans ma tête jusqu'au matin. Parfois les lèvres sont fous, mais le cœur sait toujours que Paris à Nashville. Moi, les étoiles me guident vers un autre horizon où la musique country parle toutes les langues et fait danser le monde sur mes pas enjoués. Mon cœur bat ciao. School. Je suis venu pour danser, le rythme va m'emporter, le country dans mon sang me fait bouger tout le temps. La musique commence, je trouve mon équilibre, mon corps se sent si libre dans cette belle cadence. Mon cœur se rend. Mon cœur bat la cadence, un, deux, tournez, avance. Mon cœur bat la cadence, la joie de la danse. À gauche puis à droite, suivez-la, suivez-moi, croisez vos pieds maintenant. Papa, on a yet tourné comme ça, cœur bat la cadence. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Mmh. Avec David Hallyday.

Dans tes bras, j'ai tout appris. Les mots, les rires, surtout la vie. Ton regard berçait mes matins. Tu es toujours là, accompagnant mon chemin. Maman, maman, maman, tu es mon soleil. Maman, maman, maman, douce merveille. Maman, maman, maman, je t'aime tant. Pour toi, je redeviens enfant. Ton cœur bat pour tous les cœurs. Tu partages tout, même les pleurs. Toujours debout, même fatigué. Tu as toujours de l'amour à distribuer. C'est comme un arc-en-ciel. Le temps s'arrête quand je touche ton corps. Viens, on s'embrase encore. Ma reine, danse pour moi. Le rythme nous enchaîne, suis mes pas. Ma reine, je suis à toi. Bébé, ne t'en va pas. Bébé, ton love est essentiel. Je veux te couvrir d'or, de baisers, de rêves. Chaque nuit je m'endors en pensant à tes lèvres. Oh ma reine, ma lumière, mon soleil. Chaque sourire qu'on partage, c'est comme un arc-en-ciel. Le temps s'arrête quand je touche ton corps. Viens, on s'embrasse encore. Enchaîne, suis mes pas. Ma reine, je suis à toi. Bébé, ne t'en va pas. Bébé, le temps s'arrête quand tu danses pour moi. Ton corps parle un langage que seul mon cœur comprend. Sous les étoiles, on vit au même tempo. Toi et moi, c'est magique. Un amour nouveau. Ma reine, ma lumière, mon soleil. Chaque regard qu'on échange, c'est comme un arc-en-ciel. Le temps s'arrête quand je touche ton corps. Viens, on s'embrase encore. caresse quand t'es près de moi. Chaque instant, chaque espoir, je les vis pour toi. Sur ma peau, ton amour brûle comme une flamme. Je t'emmènerai loin, là où le ciel s'enflamme. Ma reine, ma reine, danse pour moi. Le rythme nous enchaîne, suis mes pas. Que tu resteras près de moi, que ton amour est vrai et qu'il est à moi. Mon cœur est à toi, baby. À toi, baby. Pour la vie, pour toujours, je te l'ai promis. Mon cœur est à toi, baby. À toi, baby. Danse avec moi toute la nuit. La nuit nous appartient, on vit sans regret. Ton parfum sur ma peau, je ne veux plus m'en défaire. Dans le mien, je me perds doucement. Chaque battement de cœur te crie mes sentiments. Dis-moi que tu resteras là, que personne d'autre n'aura ta place. Mon cœur est lié au tien, ne brise pas ce lien. Ton amour est ma force, mon destin. Oh, ma beauté, mon trésor, ma lady. Quand tu bouges ton corps, j'oublie tous mes soucis. Dis-moi que tu resteras près de moi, que ton amour est vrai et qu'il est à moi. Mon cœur est à toi. Près de moi, traverser les tempêtes, peu importe le froid, t'offrir le monde entier, nos rêves enlacés. Mon cœur est ta maison, là où tu peux rester. Quand la vie nous pousse à bout, je serai ton pilier, ta force, ton abri, pour t'aimer sans compter. J'écrirai des poèmes pour dessiner ton nom sur les murs de mon cœur, gravé comme un nom. Mon cœur est à toi, baby. À toi, baby. Pour la vie, pour toujours, je te l'ai promis. Mon cœur est à toi. Chaque jour qui passe, je veux te combler. T'offrir des fers, des mots doux à murmurer. Te couvrir de bonheur, même quand tout est sombre. Car sans toi, mon cœur devient une ombre. J'écris ton nom sur chaque étoile du ciel. Pour que l'univers sache que tu es essentiel. Mon amour pour toi est un feu éternel. Brûlant de passion, sincère et fidèle. Mon cœur est à toi, baby. À toi, baby. Pour la vie, pour toujours, je te l'ai promis. Mon cœur est à toi, baby. À toi. Avec moi toute la nuit. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Carte chance et mon bonheur.

tourne en rond. Notre amour vibre à l'unisson. Chaque pas nous rapproche un peu plus. Nos corps se lient sans aucun refus. Oh oh oh oh oh. Danse avec moi, tu le sens au matin. Raison. La musique et le rythme fait vibrer tout ce qui est frêle. Les ombres dansent sur les murs de pierre. La nuit devient magique, légère. Une histoire commence sous les étoiles, on célèbre la chance et on danse toute la nuit. Les mélodies courent comme des commence sous les étoiles, on célèbre la chance et on danse toute la nuit. Ma liberté.

cercle et moi, avec mon petit doigt, j'ai dessiné sur le couvercle d'une danette de contrefaçon. Obama qui fumait du bon, avec des yeux en petits pois, à la BU, drôle de silence, à voix basse, je la trouvais belle. J'ai dessiné une fille qui pense à de l'anticonstitutionnel. Je sors avec une étudiante, elle m'embrasse et me désoriente. Je fais partie de son domaine, peut-être que j'en vaux la peine. Je fais partie de son domaine, peut-être que j'en vaux la peine. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Franck Michael, et puis juste après Bernard Lavilliers. À mon ciel.

Et puis ainsi pour le jeudi. Jeudi matin, vous allez retrouver Argemiro entre 9h jusqu'à midi. Et puis en soirée, entre 18h jusqu'à 20h avec Chantal. Donc on retrouve avec les chansons. Eh bien, je vous laisse avec tout simplement Betty Miranda. Et puis juste après elle, on écoutera Grace Jardy. Ce sentiment qui envahit les

Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Mmh. C'est parce que tu n'es pas comme elle. Non, non, toi tu es ma femme. Pour mon amour, moi je te voulais toi. Je suis allé te chercher. J'ai fait le tour, mais maintenant que t'es là, je ne veux plus jamais changer. Oh ma lady, lady, lady, lady. Toi et moi ça donne fire, fire, fire, fire. Je sais pas comment tu fais, moi-même je suis dépassé. Mon cœur était HS et tu l'as remplacé. Toi tu fais pas comme les autres, s'il te plaît les écoute pas. J'aime ton côté impoli. Ouais, j'aime ton côté insoumis. Sans parler de ce que tu me fais voir en lit. Oh ma lady, lady, lady, lady. Toi et moi ça donne fire, fire, fire, fire. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Semant la violence, la misère, laissant les enfants sans repère, les gentils se font des bisous. Heureusement sur la planète, les gens de paix et les poètes, artistes, auteurs et gens de lettres, nous donnent de très beaux rendez-vous. Tant qu'il y aura de l'amour dans l'air, il fera bon vivre encore sur la terre. Tant que l'on se dira je t'aime, on s'aime, on oubliera tous nos problèmes. Tant que l'on saura se parler d'amour, le monde nous semblera plus beau, moins lourd. Dans le cœur des filles, des garçons, il y aura toujours des chansons. Mmh. que l'on sera séparé d'amour, le monde nous semblera plus beau, moins lourd. Dans le cœur des filles, des garçons, il y aura toujours des chansons. Avec des mots simples et vrais, pour toi petite insouciante, pour toi la fille passionnée. Toi qui défends la vie d'antan, écoute mon accordéon. Il est joyeux, loin des banlieues, il chante la France et ses bons. Toi qui voudrais

tu n'as plus d'espoir, que tu vois tout en noir. Pourtant un jour viendra où tu l'oublieras. Il faut croire à la force du destin. Tu trouveras quelqu'un qui t'emmènera avec lui sur son chemin. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Thank you. Et donc, je vous laisse avec, il s'appelle, eh bien, François Feldman, et puis, en duo, et juste après lui, Herbert Léonard. 16h45, bien l'émission touche à sa fin et puis on va terminer l'émission avec deux chansons portugaises qui sont présentes pour le 21 et 22 juin. Voilà donc, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, puis on se retrouve pour nous, eh bien, vendredi prochain, entre 14h, entre 30 jusqu'à 16h, 17h, et puis après, on se retrouve pour dimanche, pour l'émission de l'accordéon, à partir de 12h30.